50 languages. 71. 71. 71. يحب يريد يود شيئا. Vouloir quelque chose. Vouloir quelque chose. ما تريدون؟ Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? أتودون اللعب بكرة القدم؟ Est-ce que vous voulez jouer au football? Est-ce que vous voulez jouer au football? أتودون زيارة أصدقاء؟ Est-ce que vous voulez rendre visite à des amis? Est-ce que vous voulez rendre visite à des amis? يريد. Vouloir. Vouloir. لا أريد الوصول متأخرا. Je ne veux pas arriver en retard. Je ne veux pas arriver en retard. لا أريد الذهاب إلى هناك. Je ne veux pas y aller. Je ne veux pas y aller. أريد الذهاب إلى البيت. Je veux aller à la maison. Je veux aller à la maison. أريد البقاء في البيت. Je veux rester à la maison. Je veux rester à la maison. أريد أن أكون لوحدي. Je veux être seul. Je veux être seul. أتريد البقاء هنا؟ Veux-tu rester ici? Veux-tu rester ici? أتريد أن تأكل هنا؟ Veux-tu manger ici? Veux-tu manger ici? أتريد أن تنام هنا؟ Veux-tu dormir ici? Veux-tu dormir ici? أتريد الرحيل غدا؟ Voulez-vous partir demain? Voulez-vous partir demain? أتريد البقاء حتى الغد؟ Voulez-vous rester jusqu'à demain? Voulez-vous rester jusqu'à demain? أتريد دفع الحساب غدا؟ Voulez-vous régler la note seulement demain? Voulez-vous régler la note seulement demain? أتريدون الذهاب إلى المرقص؟ Voulez-vous aller à la discothèque? Voulez-vous aller à la discothèque? أتريدون الذهاب إلى السينما؟ Voulez-vous aller au cinéma? Voulez-vous aller au cinéma? أتريدون الذهاب إلى المقهى؟ Voulez-vous aller au café? Voulez-vous aller au café?